haïtien là et ma première inspiration haïtien terre qui ba m'ti bout d'occasion font parler sur antenne. Moi-même moi c'est lieutenant Fritz Pierre Louis, un officier qui était dans caserne des Salines qui était déserté en novembre 86 pour m'être capable dénoncer toute une série de bagarres drôles qui t'a fait dans pays d'Haïti. Nous savons très bien que m'était parlé de l'escadron de la mort de l'ordre de tes soldats pour tirer sur manifestants et toute bagarre ça yo. Mais je vous dis que c'est un devoir pour moi, l'occasion, vous venez aujourd'hui, le 29 novembre, pour me faire un devoir encore, pour me dire ça me pense et ça me connaît. Nous connaissons le mois de novembre, dans pile année qui passait, pour dire un pile événement dans le vieux pays haïtien. Nous avons songé l'an Mont-Péralt, Vertière, Cayo Lobos, l'an fermé bouche la presse, l'an mort troisième dans Gonaïve, l'an mort soldat Osmond lundi, et finalement massacre 29 novembre 1987. Un an exactement depuis Makout, avec militaire Makout, te massacré un peuple qui t'a rempli un devoir civique. Un an depuis que le peuple a crié événement sanglant ça. Mais qui ça nous est, je veux dire? Gouvernement Prosper Avril, Marie Soussis, avec même colonne criminelle ça, qui depuis tant et tant, a tout pisé les haïtiens, empêché la démocratie d'établir et vendre le pays à gouvernement l'autre bord de l'eau. Le nous est, il n'y a pas jugé Franco, mais. Les noms de Clovis Désinon, Claude Raymond, Jean Théagène, Alphonse Laïen, c'est la trier, à vivre qu'est posé dans le pays d'Haïti, alors que Patrick Bouchard est le soldat patriote dans la prison. Le nom est officier patriote, tant que Pierre Chérubin, Joseph Médard, Michel Lubin, Richard Salomon, qui révoqué, qui n'a caché, parce qu'il a été de réalisation le 7 septembre, nous demandons dans quelle qualité de démagogie et de foumamite nous prenons aujourd'hui. Dans l'occasion aujourd'hui, ça. Les Haïtiens doivent dire non à gouvernement Makout pour ce avril là. Ils doivent dire non à complot pour déporter les Haïtiens. Ils doivent dire non à résultat malachon sous enquête massacre 29 novembre 87 là. Ils doivent dire non à élection 6 avril de fourrer dans la colette noire. Je dis aux Haïtiens, peuple la guerre, peuple voyant que nous devons, nous devons réclamer libération Bouchard à tous les militaires patriotes qui sont en prison. Réclamer arrestation et jugement Claude Raymond. Désinor, Théagène, Lyens, à toute cette équipe-là, pour participation dans le massacre 29 novembre 1987. Nous devons demander explication sur le complot qu'aux autres l'Église a fait avec l'État, en particulier le gouvernement avril, là, pour déporter Père Aristide. Explication sur le prétendu coup d'État 16 octobre. Explication sur le problème d'insécurité avec la misère qui blaye dans le pays d'Haïti. Et bonjour lumière sur ça qui a toujours marqué nous, le massacre 29 novembre. Là. Les Haïtiens, soldats patriotes, les arrivés pour libération. Les arrivés pour nous pas prendre l'autre 29 novembre encore. Les arrivés pour nous faire une chaîne ligne. En nous pour décoller pour sauver le pays en bas griffe Makout. C'est celle qu'on ça nous capable de célébrer l'occasion triste ça qui 29 novembre. Je ne vais pas long aujourd'hui, hein, parce que mon autre camarade avec moi, son patriote, son combattant. Monsieur Théon, lieutenant dans l'armée d'Haïti, tout c'est lieutenant Richard Salomon qui est en exil aujourd'hui même avec moi. C'était un nègre qui était fait coup 17 septembre là, que avril mangeait aujourd'hui. Mais lui-même tout le juge bon pour le dire des mots, sous ça le connaît et sous ça le pensait tout. M'a passé le lieutenant Richard Salomon. M'a profité de saluer nous-mêmes, peuple haïtien. Moi, c'est Richard Salomon, un officier force armée d'Haïti qui était fait 17 septembre et qui révoqué dans la date 16 octobre, ensemble avec Major Pierre Chérubin. Lieutenant Pierre-Michel Lubin, Médard Joseph, par gouvernement Makout Prosper Avril. Nous tout est fait 17 septembre qui choute dans FIA Claude Sanguinet par Elio. Moi, qui dit nous que depuis avril, il est sous pouvoir, il était obligé, les nous-mêmes qui étions préparés pour 17 septembre, non, pour vous et dans FIA Léa. Même 17 septembre, ça qui vient jouer en faveur avril avec Ebrea. C'est une surprise pour eux parce que quoi pas de fait pour eux. Et c'est ça qui explique aujourd'hui que Sergent Bouchard dans la prison avec tout l'autre confrère, tel que adjudant Faudres Pierre-Louis, Caporal Altidor, Soldat Figaro, Timothée, Mentor, moi-même en exil et l'autre confrère officier yo, qui grand caché. Ça passe comme ça parce que nous avons commencé à arrêter Makout, chasser yo. Que le même général Avril te mande nous pour nous mettre fin dans genre des opérations ça yo. Et vendredi qui était 14 octobre, dans la souhait, te gen une réunion dans le bureau général Avril, là, général Era Abraham était là tout, côté tout soldat patriote qui actuellement en prison, était suggéré Avril, on lit officier Makout qui n'a garde présidentiel pour lui transférer et il était d'accord. Seulement, il demandait nous pour nous quitter à colonel Marshall avec capitaine Cyprien dans palais à Bouli. Faut me dire nous que Marshall c'est un plus gros officier Makout qui gagne dans l'armée d'Haïti. Faut soldat songer que Marshall qui bat un soldat dans l'aéroport international là en 1985 et c'est même Marshall ça que général Avril qui mandé nous pour nous quitter pour lui dans palais national là. Il faut que nous mêmes l'autre soldat yo nous ranger con nous pour nous pas prendre soufflette encore parce que Marshall s'est protégé Avril. Laissons que nous capturer dans tout événement ça yo. D'abord c'est au niveau politique et au niveau social. Au niveau politique, on collision Makout militaire qui marie saucissio sous deux pays à tout masterp haïtien et au niveau social tout bourgeois Makout à politiciens traditionnels qui a rejoint militaire Makout pour enterrer pays. La preuve, tout gros Makout nos trois tels que Jean-Théa Jeanne, Clovis Desino, Alphonse Lahens et consorts que lieutenant Pierre Lusot parle nous de yo, toujours continuer à vivre sans que yo pas sauter dans pays. Yo quitte yo comme brin pour faire l'autre massacre tant coup dans Jean Rabel dans Saint-Jean Bosco. Yo quitte yo là pour faire l'autre 29 novembre. Nous même peuple qui l'a des bras pendus depuis après l'indépendance. Nous commencer à secouer kono et nous commencer à boire piclé. N'a pas rappelé nous ces bulletins nous t'a pas jeté, nous t'a pas rempli des voix citoyennes, des voix civiques non. N'a pas rappelé nous ces élections qui t'ai gagné les Makout ak militaire qui assassiné nous. Haïtiens, nous pas manger billet. On nous gonfler voix nous ensemble pour nous dire non à tout politicien menteur. Qui sous capitaine élection pour mener yo au pouvoir. Nous-mêmes, anciens officiers qui vivent en exil, tant que masterp haïtien, nous réalisons que les politiciens haïtiens ne parlent pas Haïti, c'est le pouvoir que yo aiment. Nous avons gonflé voix nous ensemble avec l'autre patriote qui est dans la diaspora, qui croit solution qui pour sauver Haïti. C'est une révolution populaire. N'a profité même occasion ça pour nous lancer un message à parti qui était propre dans l'armée pour nous faire comprendre que coup d'état avril porté à mouvement 17 septembre non pas doué fini comme ça parce que l'an coup ça nous t'ai rêvé libération pour pays a dignité respect pour soldats. Nous espérons toujours que le travail là a continué et que la délivrance n'est pas loin. À bas 29 novembre, vive moi Haïti libre. Lieutenant Salomon, à l'occasion 29 novembre, peuple haïtien a commémoré jeudi à là. Est-ce que capable de dire nous ou même pendant que vous êtes dans l'armée, ce qu'on est sur 29 novembre 87? Comme tout que m'pa ka bon exactement tout bagay yo parce que on est en ballon donc c'est une série de ça me connaît moi connaît que c'était une série de gros messieurs qui encore là toujours dans la mer avec une série de Makout on prend nek sa yo qui parle que 29 novembre était fait parce que on connaît si 29 novembre était passé normalement yo même yo pas ka là encore mais ça connaît de participation lui même colonel Jean-Claude Paul dans événement 29 novembre 87 et ben moi cadeau colonel Paul c'est une nèg qui était serré tout ou connecté tout à lien là tout ma couture et après 7 février, il était prend tout et grand pile là-dedans que il était contre bail rad militaire pour circuler. Gen des fois tout nèg sa yo kon même comprendre que c'est garde yo parce que yo met garde vet sou yo ouais tout garde. Donc monsieur c'est la caille majorité ma coute ça yo t'es caché et que yo t'es prend la rue pour aller tirer sous peuple imposé peuple rempli de voix civique. Donc d'abord vous avez participé le 29 novembre directement. Oh ouais, ma coute ça a été participé directement. A tout lui-même il capable dans la rue. Monsieur capable dans la rue à faire. Même je sais une dans nèg qui t'a voyé mon yo. Et pour l'autre monde qui était participé le 29 novembre en tant que civil qui non qu'on connaît. Oh bon, bien Claude Raymond, on prend gen ti Marcel Maurice, on prend gen ti Chamblain, on prend gen ti gen mal voisin, a grand pile l'autre hein. Ay m pa ka songer tout non yo wa, parce que pa zanmi mo wa. Jodi a la nan occasion 29 novembre là, si nous t'agon moun pour nous t'amander juger en plus de non ça que nous sommes cité là yo, qui l'autre monde nous t'a capable citer dans l'armée ou bien dans civil là. Bon, m'ka di général Regal là, on prend qui actuellement, on prend pas dans l'armée encore, on prend c'est tout nèg ça yo, on prend Jean Théagène, Clovis Desino, tout nèg ça yo. On prend parce que m'pa connaît tout nèg yo net, mais ça c'est ça que m'connaît. Et Fitzpierre lui-même, il n'a pas aucune précision en plus qu'il est capable de porter pour nous. Comme monsieur était lui-même dans la caserne, peut-être monsieur qui a compté tout l'autre bail, parce que moi, je suis dans la caserne, je ne passe pas, monsieur. Alors. Bien, lui, sur l'événement 29 novembre, il n'a pas aucune précision qu'il est capable de porter pour nous sur la participation ou qu'on est de l'armée ou bien de civil dans l'événement. Quoique, si je me bien, je crois 29 novembre, on est ici encore. Bon, oui, effectivement, pas dans Haïti 29 novembre, mais quand même, il y a quelques détails, peut-être, quelques monde qui pas gagné. Bon, n'a pas dit que le jour qui précède 29 novembre, 28 novembre, aux environs de 11h minuit, il y a une réunion qui était faite dans le bureau Jean-Claude Paul, qui était à l'époque comme en caserne de Saline. Et bien, la réunion, ça, il y a colonel Paul lui-même, il y a Antoine Jean-Gilles, qui est assistant commandant caserne de Saline, qui était lieutenant-colonel à l'époque, qui était major. Il y a Marc Chaltou, qui est le cadre présidentiel, qui est colonel tout. Il y a quelques officiers qui ont révoqué par agent trop longtemps, c'était après le coup d'État, 17 septembre, en la personne de lieutenant Mouravia, lieutenant James Charles, lieutenant Kessner Pierre, tout les savoir révoqué qu'on y est. Il y a l'autre attaché tout Chamblain. C'est nèg sa yo qui te planifié opération. Et que ba la pensée peut être à un plus haut niveau, mais homme de mer yo nèg qui pou te exécuter plan c'était moun sa yo. Donc son détail que moun de pas gagne et me dans ça même pour l'histoire, il y a connait vraiment qui men qui te participé dans massacre 29 novembre ça que n'a célébré yo dire. Capable dit que caserne de Saline te joué un gros rôle opération 29 novembre là. Nous avons des journalistes étrangers qui ont des photos, qui ont évidence que en pile soldats qui étaient tirés sur eux ou bien qui étaient assistés à massacrer les gens dans le Varan, c'était des soldats caserne de Saline. Comment vous avez identifié? Premièrement, bon, c'est avec armement qui ont été gagné. Pas deux unités en Haïti qui servent avec Sanrele fusil automatique léger, que vous avez fait. C'est armes de base qui ont servi la caserne de Saline. Et la majorité des groupes qui t'a travaillé dans l'opération ça, c'est ça me ça veut dire là mais oh et nous avons tout qui identifie quelques éléments. Donc moi même cap responsabilité dit que massacre 29 novembre en grande partie réalisé par l'armée et en particulier les casernes de Saline sous commandement Jean-Claude Paul. Ça qui est attaché, qui vient arrêter. Il dit non, Tito pas la cause, pas la cause. Oh, moi dit sergent, moi ouais c'est Tito. Sergent sourit. Il dit mais il pas la cause, hein. Même quoi ouais Tito, Tito pas la cause. Me lève le matin, hein, n'aller dans poste là. Là nous arrivons, nous joignons ici. Bon père monsieur dit qui est-ce nous joignons attaché? Attaché. En dedans. Nous joignons là. Oui, en dedans poste là. En dedans poste cité solaire. En dedans poste là. Ça l'a fait là. Nous pas contre ça l'a fait. Et puis c'est là nous dit oh et puis n'a pas les bon père. Bon père dit monsieur s'attache lié. Gardez tal mettre petite li. Il prend le recherche criminel. Pour monsieur, monsieur a cause de tuer un petit lit. L'homme arrive. Vous voulez dire, yo bat fort là? Yo pas bat lit. Lui dit, attaché a dit, c'est lui qui fait. Yo pas bat. Vraiment. Moi dit, bon, ça attaché pour lundi, pour venir deux gars, pour nous faire combinaison, pour qu'il vienne prendre son timoniel pas même connu. Et puis, il répond, moi, il comprend deux postes là. Il tombe joué. Et puis police, que deux polices qui dit si me parler la pas mon coup de poudre fizi. Mais ces gens pas de chambre dit tout ça police dit aller. Et puis moi dit ben, mes amis, me pas quoi attaché, yo ka kembe l'on poste. Et parce que ça attaché lié. Et là yo dit c'est là manger et là dormi. La fini yo dit police a dit si nous faisons bagay, la tire nous, la vin tire nous la caille. Et puis monsieur dit, monsieur t'a le aller couteau sous lit, vraiment t'a le couteau sous lit, la caille. Me dit pourquoi nous dit c'est mandat juge de paix, c'est moun li pou li. Et puis comme ça tout, ça on dit il j'en amener tu mettre dehors. Puis gars chambre fi qui me parle dans poste là. Comment on relo? Olga mon désir. Si moi seulement que saute dehors dans nuit là. Mais lui même li wè quatre là vient arrêter là, li pa wè pièce pour. C'est moi quoi tout le monde. Moi, deux gars, quatre civils. Monsieur Radio Haïti Inter, nous relèvons avant pour citer Soleil là, mais il n'y pas répondre du tout. Je ne sais pas si nous au courant. Est-ce que le téléphone est en panne? Bon, avant pour citer Soleil là, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone. Oui. Le téléphone est en panne. Parce que je suis plusieurs fois en bas de la communication. Sonnez dès 11h36 pour dimanche. Oui, oui. Okay. Dès 11h36. Dès 11h36. Ok. Ok, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. En forme. Bon, c'est au sujet de numéro de téléphone, poste Cité Soleil là. J'ai besoin d'informations, mais je suis allé plusieurs fois. Bon, téléphone n'a pas répondu. Bon, téléphone n'a gâté. Téléphone, poste a gâté. Oui. Bon, mais sur l'information de besoin, je ne sais nous-mêmes, nous avons un c'est au sujet d'un incident qui est arrivé soir dans la cité. Ouais. Je viens de rapporter nous, mais nous ne pouvons pas le comme ça, nous avons besoin d'une précision. Mm-hmm. Et deux nègres qui mourent par balle, et puis l'autre qui a arrêté, mais par un l'autre là qui devine la radio, ils ont dit que ouais, monsieur n'a pas cité solaire là. Uh-huh. Il a arrêté monsieur. En qui veut dire que vous avez monsieur dans la poste de soleil là? Oui, par ouais monsieur là, il est là monsieur en prison. Ouais, mon désir, on a eu les gens boulés. Donc. Qui a une sorte d'information dans la maison là? Bon, nous avons besoin qu'on ait si nous au courant. Uh-huh. Et si vraiment, on va consacrer dans la cité solaire là. Oui, mais. Dans la nuit hier privé, je dis. Hein? J'entends là, c'est comme ça nous-mêmes nous entendons tout, mais c'est nous-mêmes qui devons faire qu'on se parle à matin. Oui. Nous devons faire qu'on se parle maintenant, mon nom, comme mon nom. C'est deux mouns qui ont tué. Hein? Deux nègres. Ouais. Michelet et Dubréus, uh-huh, avec un certain Jean-Félix. Uh-huh. Mais bon, troisième nègre, il y a les Rock Mon Désir, les Gontino et les Jean Boulet. Mais il semble que, d'après ça, mon nom dit, monsieur, le poste Cité Solaire là. Jean Boulet. Oui. C'est lui. Ou arrêté, monsieur, dans le poste Cité Solaire. Un seul coup, monsieur, le Jean Boulet, là, il finit, il est Wok Wok Mon Désir. Quatre noms. Oui. Bon. Bon, c'est madame qui est-ce? C'est madame Franck Timothée. Et où? Villex Saint-Hil. Philemon René. Qui est situation, monsieur, là, jeudi, lundi, 28 novembre? Bon, situation monsieur aujourd'hui hein, c'est parce que sa raison qui mène nous vinn là aujourd'hui à la na radio Haïti Inter, c'est parce que nous connent problème nous gain là, nous même madame soldat yo, nous senti nous pas connent ça pour nous faire, nous pas capable résister encore, nous senti trop pour nous. Aujourd'hui à nous vinn reler bien fort dans radio Haïti Inter pour peuple la connait que ça y a dit avec monsieur soldat 17 septembre ça yo qui dans prison, qui t'a lité pour détruire ma coûte dans pays d'Haïti, pour t'a lité pour monsieur massacre moun massacre Saint Jean Bosco yo, massacre 29 novembre yo qui t'a détruit moun sa yo koun y arrivé, c'est monsieur sa yo qui arrivé dans prison jodi a la y a souffri dans prison pénitentiaire. Mais la vie situation monsieur tellement difficile en dans pénitentiaire, monsieur a dormi côté au dormi yo, te fermé dans cachot yo, fermé là yo, fait tout affaire en dedans, yo pas capable wè monsieur a souffri en dans pénitentiaire, monsieur par contre ça yo fait à payer à propos de ça Abdila et au cap di moun qui Jean ou fait gain information ça aussi monsieur. Bon, raison qui fait moi capable dire ça, c'est parce que monsieur connaît parfois qu'on bail un petit billet ba non, yo connaît ba non parfois, yo connaît voyer dit non, bagaille, mais si billet avait dit yo explique au la vie en dedans, si yo gétan wel yo chirel, yo pas quitte wel pour pas ouais qui Jean monsieur a vivre en dedans. Alors la vie monsieur aujourd'hui a, c'est parce que depuis vendredi nous t'en dormir cap courir dans la rue a dit que monsieur ça yo gal fizier jour vendredi a dernier jour pour yal fizier yo. Alors lundi samedi matin nous pote manger yo pas recevoir manger, dit non monsieur, dit au pape manger, a fait grève de faim que au pape manger depuis samedi pour jusqu'à nos jours. Monsieur a fait grève de faim. Oui, il dit monsieur a fait grève de faim, au pas voulait manger depuis samedi pour jusqu'à nos jours. Monsieur pas manger, il dit monsieur pas manger en dedans, tout manger au bayo, monsieur pas recevoir. Nous même n'aller chaque jour. Et nous même n'aller chaque jour, nous porter manger, au pas prendre manger ya. Nous pas connait qui ça pour nous faire. Mes amis trop pour nous, me senti pas capable supporter encore. Moi senti chaise ça trop lourd pour moi parce que me pas connait ça pour me faire. Trop pour moi mes amis peuple haïtien, moi vienne reler en moins ça l'a dit avec monsieur ça yo parce que président avril avec un personne en main à tout Joseph Eboué à tout et Abraham yo un personne en main yo par contre qui couler pour bail parce que mon enquête la fini que mandé pour Jal Prosper avril connait qui ça la fait avec monsieur ça yo connait enquête la fini. Oui, enquête la fini m'a mandé qui on fait comme ça. Et bien monsieur te voyé yo même en dedans yo te dit non enquête la fini, nous te parle avec colonel a dit non enquête la fini tant pour ba nous réponse. Alors nous connait enquête la fini depuis qui ça va gagner qui ça colonel là te dit non ça. Colonel là te dit non ça. Bon, colonel, nous pas connons. Colonel qui en sage pénitentiaire te dit non enquête la fini, la bra regarder pour ça la fait. Mais alors nous senti nous pas capable encore trop pour nos mes amis. Nous vinn reler en moins pour peuple haïtien comme ça l'a dit avec monsieur yo parce que Jal Prosper avril qui te monsieur là, ça nous vinn demander Jal Prosper avril jodi a nous vinn demander est-ce que c'est récompense monsieur ça, est-ce que c'est récompense mouvement 17 septembre non? Est-ce que c'est pour ça monsieur te mettre sous pouvoir pour jodi a pour bouler prison, bouler cachot pénitentiaire, yo pas capable avec famille yo. Nous même nous des dit ça nous te gagne à ta bag nan doit pour me aller me vendre pour me bail faut manger dans prison. Alors me tande le gagne l'argent faut pas gagne 6 centimes faut pas quitter ma avec rien dans caill là parce que c'est moi qui a fait comme connait pour m'occuper le côté mia. Mes amis viennent reler en moi pour peuple haïtien comme ça a dit nan bagaille ça parce que nous senti nous pas capable encore tête nous chaud nous prête pour folle parce que nous pas capable supporter encore. Nous viennent demander peuple là pour mettre ensemble pour solider ensemble avec nous même madame soldat yo parce que yo dit nous monsieur yo en dedans nous pas capable si c'est vrai si c'est pas vrai parce que yo pas recevoir manger dans menou yo dit non monsieur pas recevoir manger dans son mon entrée y a battu y a ceci y a cela. Mais nous même nous pas cap dit c'est vrai, nous pas cap dit vraiment si c'est grave monsieur a fait, nous pas connait rien pour nous dire parce que nous pas ouais yo pas recevoir manger yo pas nous pas rien parce que seulement nous connait dans prison. Mes amis viennent reler en moi pour peuple là comme ça l'a dit dans bagaille ça et ça me t'a dit OK merci. Port-au-Prince 28 novembre 1988 Alliance nationale organisation populaire note pour la presse 29 novembre 1988, ça fait yon l'année depuis qu'on a été massacré plus passé 100 monde comme ça dans le pays. Dans l'occasion de ça, Alliance nationale, organisation populaire, ANOP, décide de dire au peuple à tout démocrate, tout bon qui décide de bataille pour la démocratie établie dans le pays d'Haïti. Pour nous, ANOP, c'est clair, massacre 29 novembre, c'est le résultat complot Makout, l'armée américaine sous le peuple, cap gourmet pour finir avec le système crasé et exploitation. Massacre ça a été un concours faux démocratie, une ambition pouvoir qui t'a traîné peuple à l'arracher Mayoc dans l'élection, dans un moment côté, pas de gagner au climat pour peuple à le voter. À nos quoi, tout autant organisation populaire, tout bon, pas mettre ensemble pour entrer dans le peuple, rassembler en bas la bannière alternative claire, à faire carré gagner 29 novembre. C'est peut-être ça. À nos d'accord avec l'idée manifestation pour peuple en montrer volonté devant le gouvernement avril là américain pour peuple en fini avec affaires coulées sans le grand messie. Mais on n'a pas porté coller ni avec manifestation dans Port-au-Prince, ni avec aucune autre manifestation pour éviter côté faux démocrate ou libère qui te voyait peuple à l'abattoir le 29 novembre, guettant dans le premier lit. À nous profiter de ce peuple songer. Aucune élection sérieuse pas possible sans nettoyage, sans arrestation et jugement. Gros Tonton Makout qui menace ce peuple qui te dirigeait le 29 novembre. À bas américain, à bas Tonton Makout, vive unité qu'un peuple. Pour Anop, gagner l'UMILIO PASS qui s'y est, Albert Jean pour FEDCA, Carmel Constant pour KFM, avec Ronald Boujoli pour AMAP. Okaï, 28 novembre 88, 5h51. 28 novembre 88 qui appelait jour pour jour, trois l'année depuis trois élèves qui ont eu la mort et qui étaient consacrés comme jour national et pas marqué par aucune manifestation spéciale par rapport ici. Ça nous démarque seulement, aucune école pas fonctionné, élèves et professeurs pas mettre pied dans différents établissements qui sont dans la ville là. Sauf section secondaire de l'école pour organiser du Joseph qui a fonctionné. Nous avons appelé un élève qui est mort dans le jour qui était 28 novembre 88 là, était dans une école pour organiser. Il y a une situation de tension qui domine dans la ville là depuis le matin. Il y a un tableau qui est milité là-dedans, a vu retourner dans la ville là, dans toute ville là. La baille sirène de tous côtés. Nous remarquons tous quelques militaires à pied bien armés, à sillonner toute ville là. Ça rappelle nous 28 novembre 87, la veille élection à voter, côté nègre en vert, ils ont fait toute nuit là tirer. Lunes de Esca, Haïti Inter, Taille. Reconnaissance famille, c'est l'espoir du monde que concourt au bail ministère de la Santé publique. Eustache, Laurent Eustache du ministère de la Santé publique et de la population. Donc actuellement directeur général de ce ministère. Naturellement, depuis matin, depuis 6h du matin, tout le monde sous pied pensait que nous tous fatigués. Mais je ne vais pas remettre laisser n'aller sans nous pas remercier au nom des enfants d'Haïti et au nom du ministère de la Santé publique et de la population, tout le monde qui aident réaliser deuxième journée ça et tout le monde qui était dévoué pour que deuxième journée ça soit succès que lié qu'on y a. De prime abord, nous allons commencer par remercier l'organisation internationale. D'abord l'UNICEF, non seulement l'UNICEF pour matériel que le ministère pour réaliser qu'en parlant, mais nous allons gain pour mention spéciale pour le personnel de l'UNICEF qui quand même depuis le début de cette campagne et peut-être avant même le début de cette campagne était toujours disponible. Donc sincèrement au nom du ministère de la Santé me dit merci parce que quand même c'est pas seulement matériel là au bail mais le nos besoins étaient toujours joignaux. Nous on a remercié aussi le PAM, le RICH, Rotary International et la branche haïtienne de Rotary International, l'USAID. Nous t'aimons remercier aussi toutes volontaires au nombre de 51 000 qui étaient dévoués pour yo, soit comme piqueur, soit comme canalisateur, soit pour mettre l'ordre. Aimer t'aider à réaliser non seulement la première journée, mais la journée ça qui a terminé aujourd'hui. Naturellement, tu as un petit problème, tu as un volontaire qui te fait quelques exigences que nous ne pas capables de combler. Mais dans l'ensemble, on croit volontaire tu bien comporté. Nous disons merci, merci en pile et que nous attendons le 11 décembre avec même dévouement, avec même détermination pour nous essayer d'atteindre l'objectif le 11 décembre pour nous vacciner tout le monde que nous devons vacciner. N'a remercie aussi connaissance famille c'est l'espoir Timon et peut-être nous t'aurons un gain ou mention spéciale pour l'animatrice de ce groupe, c'est Madame l'officiale qui vraiment a été d'un grand apport. C'est une femme extraordinaire. Nous t'aurons remercier aussi la OPS, la CAT, l'Institut haïtien de l'enfance, la CDS, l'Association médicale haïtienne, la Société haïtienne de pédiatrie, la Société haïtienne d'obstétrique gynécologie, l'Association d'aide aux handicapés. Gonbon l'association ça yo, un ben pour gen l'autre journée n'te fait que yo pas tellement répondre et nous remercions que fois ça yo répondre et que non seulement yo répondre ça dit sur le plan individuel membio, mais quand même yo te fait promotion journée ça et yo te invité l'autre monde participer la journée ça. Donc on croit que c'est un bon point pour organisateur journée yo et c'est aussi tout que quand même